Allez, on enchaîne, on enchaîne. Vas-y, quoi, parle-nous mieux, mec, c'est bon, quoi. Ouais, le nouveau tube de l'espadrille. Bientôt la sonnerie sur ton mobile. Bling, bling, tone. Bling, tone. L'espadrille, tape 1. On ferme ta gueule, tape 2. T'es pas content, on te tape dessus. Mon frère, j'ai quelque chose à te demander. Y'a plein de choses que je n'ai jamais vraiment pigé. Tu sais, le genre de truc dont tout le monde se branle. Genre de choses qui sont pas claires comme le gingembre. Pourquoi on doit se laver les dents? Pourquoi le zéro il est grand? Pourquoi le petit chien il aboie? Pourquoi quand je pète je fais caca? Écoute mon frère, j'ai pas fini. Je te promets, moi pas comprendre qu'est-ce que tu dis. Tout ça me prend la tête, fais fritier la quéquette. Je comprends même pas pourquoi que ça brûle une allumette. Pourquoi les tomates sont rouges? Pourquoi Ronald même pas il bouge? Pourquoi Hello est ça? Pourquoi ma quéquette se met en pente? Écoute mon frère, je sais que je suis relou. Relou. Mais pourquoi une écharpe on se la fout? Écoute mon frère, je suis qu'un con. Ouais. Faire chier le monde, qu'est-ce que c'est bon? Pourquoi un rappeur ça fait Pourquoi une vache ça fait meuh? Pourquoi cette zik est si pourrave? Parce que les espadrilles ça démon grave. Pourquoi un rappeur ça fait Pourquoi une vache ça fait meuh? Pourquoi cette zik est si pourrave? Parce que les espadrilles ça démon grave. 4 ma cuirée, 4 ma cuirée, 4 ma cuirée, 4